Salut à tous, on est au Café 1D numéro 1, 2, 3, 3, 3 ou 4, je crois. Et pour la saison 2, bah, on va changer, on va interviewer des indés, mais aussi des gens qui sont dans l'écosystème. Et là, on a deux personnes super intéressantes, Isabelle et Doug. Mais bon, je vais pas tout dire, c'est à vous de vous présenter. On va commencer par Isabelle, c'est normal, t'es la femme, à toi l'honneur. Écoute, Isabelle, je te donne 2 minutes. Tu nous présentes parce que t'as beaucoup de choses, on en a parlé, t'as beaucoup de choses à dire, mais voilà, t'as 2 minutes pour savoir qui tu es. Qui je suis? Alors, je suis une entrepreneuse, on va résumer ça comme ça. Hein. Cool. J'ai parcouru un peu tout le monde geek. Alors, on va prendre le mot geek dans le sens large, hein, c'est-à-dire aussi bien les jeux vidéo que les jeux de société, les jeux de rôle... Le GN, enfin tout ce qui existe en littérature de l'imaginaire, etc. C'est bon d'être chronomètre en plus. Allez, il te reste 1 minute 30. Et donc en fait, si on est plus dans le domaine du jeu vidéo, c'est vrai que le jeu vidéo, moi j'ai commencé assez jeune, il y a très longtemps, puisque j'ai commencé à la bourse, parce qu'à la bourse, le gouvernement a décidé de créer un groupe de jeunes. Pour tester, pour voir jusqu'où les enfants pouvaient apprendre la bourse et les jeux vidéo. Il y avait des cours de jeux vidéo avec le TOC de 70 qui venait de sortir. Et le premier Mac. Et du coup, ils nous avaient après commencé à programmer. Donc j'avais quelque chose comme 11 ans, 12 ans. J'étais la plus petite et j'étais la seule fille. Donc du coup, j'étais un peu la princesse, quoi. Et on m'a appris à programmer là-dessus. Donc sur TOC, je passais des heures et des heures à taper pour créer... En basique. Pour créer le petit drapeau français avec des petits bonhommes qui marchaient et tout. Bah comme oui, ça. On commençait par ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est mon... Tout début. Ça a commencé sans compter que j'étais une fan de jeux de Nintendo, etc. Ouais. Depuis le tout début. Ça a évolué comme ça. Après, je suis passée. Je saute une grande période, hein, mais je suis passée à Warcraft où j'écrivais beaucoup. j'écrivais beaucoup aussi pour les jeux de rôle, etc. Mmh. Du coup, sur les MMO, quand les MMO sont apparus, j'ai commencé à écrire aussi pour les autres joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui savaient pas trop comment créer leur personnage, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire des personnages virtuels. Et aussi des événements ciels, puisqu'à l'époque, quand on faisait des événements sur Warcraft, c'était, t'avais 1000 joueurs qui arrivaient d'un coup. Les premiers. Et du coup, on a écrit les Jeux Olympiques de Gobelins, on a écrit plein de trucs comme ça. Et on est passé sur, je suis passée sur Star Wars Store, où j'ai fait la même chose. Et puis, voilà, donc les jeux vidéo, ça continue. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, en jeu, je suis plus joueuse que vraiment dans la création et j'ai un peu abandonné l'écriture parce que je suis plus dans le monde de création geek en général, comme je t'ai raconté tout à l'heure. Génial. Donc c'est vrai que je suis plus en train de créer des gros événements, donc c'est-à-dire des festivals. Là, je suis en train de travailler avec l'Algérie, par exemple, pour créer... un festival geek où il y aura des jeux vidéo, des jeux de société, etc. Je suis en train de... Voilà, je crée des événements autour de ce monde-là que vraiment... La création pure. Ouais. Okay. Super. Bon, tu vas avoir plein de choses à dire, Isabelle. Ouais. Merci. Monsieur Doug, à toi, tu as... Deux minutes. Alors ça commence avec Pong. Voilà. Bon, 20 minutes. Non, bah oui, voilà. Moi, ça commence avec une console Pong qu'un ami à mes parents avait ramené de Hong Kong. Voilà. Et. C'est quoi la date, c'est Pong, c'est... Oh là. Bah alors, Pong, la date en arcade, c'est 72. Hein, mais les consoles Pong, c'est pas 72, c'est plutôt fin des années 70. Voilà. Et puis après, bon voilà, j'étais frustré de qu'elle ne marche pas bien sur le téléviseur français qui était CK mais non PAL. Voilà, donc j'ai commencé à démonter la télé de mes parents. Voilà, et mon père, pour me consoler, il m'a emmené en arcade. Voilà comment j'ai découvert vraiment les jeux vidéo. J'avais la chance d'habiter à Paris, pas loin d'un quartier où il y avait beaucoup de salles d'arcade. À l'époque, à Place de Clichy. Oui. Voilà. C'est Et puis après, en CE1, il y a mon instit qui m'a mis devant un ordinateur, voilà, devant un Micral 8022, si je me souviens bien, et ouais. J'ai appris le logo, qui était un langage de programmation visuelle, ouais. À l'époque. Puis après, j'ai un ami qui m'a montré l'Apple II avec des jeux vidéo dessus. Et puis après, j'ai commencé à chercher toutes les personnes dans mon quartier qui avaient un ordinateur. Voilà, bon, c'est un peu les débuts de... Mais c'était une passion parmi tant d'autres au départ, parce que... Voilà, après, ça a été les livres Vous êtes le héros, les jeux de rôle et tout ça. Et c'est vraiment... quand j'ai commencé vraiment sérieusement, c'est quand j'ai eu mon Atari ST. Ouais, tu t'es acheté du matos. Voilà, ça a été dur de convaincre mes parents, mais j'ai eu mon Atari ST. Ça a été le meilleur investissement, je pense, de mes parents au niveau cadeau. Et puis après, j'ai créé du jeu amateur, de la démo, et c'est j'ai fait du playtest pour SFMI, la maison mère de Micromania, voilà, pour des studios comme Delphine Software et compagnie, voilà. Puis après, on m'a proposé, vu que je traînais dans le milieu du jeu amateur, ça s'appelait pas mais jeu indé à l'époque, un jeu amateur, et on m'a proposé d'écrire dans Tilt. C'était le premier magazine de jeux vidéo en France, et dans Console Plus, qui est son frère qui venait de naître. Donc ils avaient besoin de gens pour écrire dessus. Ouais, des articles. Des articles, ils avaient besoin de gens compétents qui savaient voilà, vraiment traiter le jeu vidéo dans son ensemble. Et puis voilà, j'ai fait de la presse. Alors j'ai eu, tout à l'heure on parlait d'Ubi, oui, j'ai eu toute petite expérience un peu malheureuse sur un projet pour Ubi qui ne s'est pas réalisé. Et c'est vrai que c'était à ce point-là, j'étais tiraillé entre la création, parce que moi j'étais pixel artiste, mais je programmais un peu à côté, et la presse, en fait, la presse m'a vraiment entraîné dans son giron, parce qu'ils avaient besoin de personnes compétentes, et moi je me suis dit, c'est quand même la rédaction de Tilt et Console Plus, c'est peut-être une des meilleures ambiances professionnelles que j'ai pu avoir dans ma vie, donc. Après, voilà, c'est toujours la vie, c'est toujours les choix, qu'est-ce qu'on fait, où on va ou pas. Ouais. Mais puis finalement, la presse, j'ai arrêté parce que au bout d'un moment, on n'en vit plus de la presse. Voilà, malheureusement. Et puis, j'ai commencé à étudier l'histoire du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, je suis enseignant en histoire et culture de jeux vidéo, voilà. Ouais, t'as écrit un programme de 42 heures. Oui, qui voilà. Commence en 1947. 1947. Et en fait, il commence un peu avant, mais c'est vraiment le jeu vidéo, voilà, à partir de 47, vraiment. Et t'es prof d'histoire de. Oui, voilà. Et ça, c'est parce que j'ai rejoint l'association Emo5.com, des années 90. Emo5, ouais. Quand j'ai arrêté plus ou moins la presse, je me suis dit, voilà, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir sur mon avenir. Et comme j'avais du temps, j'ai étudié. C'est là où j'ai commencé à étudier vraiment l'histoire du jeu vidéo. Et puis après, à force de former les gens au sein de Emo5, j'ai fait des conférences. Et puis naturellement, après, j'ai donné des cours et tout ça. Mais sans quitter le plus, j'ai continué à fréquenter un peu le monde de la presse, mais de loin, par l'intermédiaire d'amis. Et surtout, je suis revenu un peu aussi au monde de la création, parce que quand on a des élèves qui sont des futurs créateurs de jeux vidéo, ça nous donne envie d'en faire aussi. forcément, c'est voilà, je suis revenu un peu à mon départ. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu vidéo. C'est un milieu tellement passionnant. On touche tellement à tout que... On revient, on repart. Alors merci Doug, t'as dépassé tes 2 minutes. C'est dur. Hein. Non, mais je pense qu'on a une vie assez énorme tous les deux. C'est vrai que lui ou moi, on a tellement fait de choses que c'est dur de tout résumer. Hein, Justement, on est là pour ça. Je vais essayer de vous sortir un peu toute l'expérience que vous avez. Alors on commence. Déjà en parlant un peu de presse, en parlant un peu de geek. Pourquoi une question un peu comme ça là, et puis on va voir ce qu'on va dire. Pourquoi les indés ont du mal à communiquer avec la presse? Pourquoi ils ont du mal à les contacter? Pourquoi c'est compliqué avec eux? Ah, c'est une question super moderne, ça. Alors, je commence? Vas-y. Alors moi, je vais parler, je vais parler de mes dernières années de presse vraiment intensive, là où j'étais 14 heures par jour à la rédaction. Voilà, pas tout le temps, mais période de bouclage, c'était assez dur. En fait, en tant que journaliste, on peut pas bosser avec 20 000 personnes. Donc, ce qui est important, c'est le matin, quand on check ses mails, va forcément à donner les priorités aux gens qu'on connaît. Par exemple, les attachés de presse, les 5 ou 6 avec qui on bosse. Et donc, les autres mails, tout naturellement, passeront en... ça sera pas la même priorité. Ouais. Voilà. Et, c'est vrai, on commence toujours par les gens qu'on connaît. Exactement. Donc, nous, les premiers jeux indés qu'on avait reçus, qui étaient super rares, hein, quand j'ai arrêté de faire de la presse, encore, c'était des jeux indés qui étaient à la fin du mail de l'attaché de presse d'un gros éditeur. Donc, ils commençaient déjà à différencier, en fait, les gros jeux des jeux un peu plus petits, un peu plus modestes. Voilà, et puis on les regardait parce qu'ils étaient inclus dans la masse des autres jeux qu'on devait traiter. Okay. Voilà, mais c'est très très dur aujourd'hui pour un indé tout seul. Imaginez un journaliste qui a un email public. Ouais. Alors, s'il y a 2000 développeurs indés dans le monde, il va recevoir 2000 mails. Comment il va faire pour choisir lequel qui l'intéresse? Elle est là, la problématique, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup de retours, Et puis, surtout, un journaliste, en fait, malheureusement, c'est comme ça, c'est qu'il est obligé de produire une certaine quantité de boulot. Ouais. Par exemple, moi, j'étais obligé de faire 15 pages minimum, pas en 3 semaines. Donc, les jeux... Il faut les sélectionner et puis surtout on n'a pas le temps qu'il faudrait pour traiter le jeu à fond. Et voilà, il y a des jeux qui mériteraient d'être joués une semaine pour qu'on puisse vraiment avoir un avis objectif dessus. Donc il y a vraiment plein de difficultés dans ce métier, dans la presse. Je suis un peu admiratif de ceux qui continuent dans la presse et qui sont à fond dessus et qui testent des jeux. Si tu veux, je peux t'en parler parce que moi je suis pas complètement dans la presse parce que j'ai un peu abandonné le côté magazine. J'écrivais dans la presse, mais maintenant j'ai une chaîne web qui m'appartient et qui rejoint un peu le côté presse, etc. Et c'est vrai qu'en chaîne web, je peux te dire qu'on reçoit plein de demandes. Et comme tu disais, je te rejoins là-dessus, on est noyé sous les infos. C'est-à-dire que nous, on fait déjà le tri pour les donner aux gens qui eux-mêmes sont noyés sous les infos. Donc déjà, nous, on fait le tri. Mais dans le vaste monde des news, c'est vrai qu'on est obligé de choisir. Donc moi, je suis obligée de choisir... Alors des fois, forcément, t'as les grosses infos avec les grosses sociétés, Ubisoft, etc., qui arrivent. Et c'est vrai qu'on peut pas se passer de ces grosses infos-là, parce qu'il y a une attente de la part du public aussi, qui fait que on est obligé de relayer, quoi. Sinon, on n'est pas lu, on n'est pas vu. Hein. Donc, parce que les gens sont pas forcément très très curieux envers les indépendants, parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Et de temps en temps, j'essaye de choisir. Alors des fois, c'est un peu hasard, hein, je t'avoue. C'est parce que j'ai été à un festival ou un salon et que j'ai vu entre deux portes, j'ai vu un truc. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est de la curiosité, mais en même temps, c'est vraiment le hasard. Hein. Parfois, je prends un mail et puis je regarde, je dis, tiens, c'est intéressant. Bon, cette semaine ou ce mois-ci, on va en parler. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Les indés ne voient pas. C'est que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont un boulot et qui ont que 14 heures par jour. C'est ça, on est humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des sites spécialisés dans l'indé, des journalistes au sein des rédactions qui sont spécialisés indé, parce que le marché, il est devenu trop vaste. Ouais. Il est loin le temps où on se disait, oh là là, mais ce mois-ci, c'est exceptionnel, il y a 20 jeux qui sont sortis. C'est ça. C'est ce qu'on se disait à l'époque. Dans les années 90, c'est waouh, on a quand même 25 jeux ce mois-ci. Ah, c'est bon, on a le choix, c'est bon, on va pas chômer. Il y a une transition. Voilà. Et là, quand il y en a 500 par jour, comment on fait? Alors, je vais te dire, il y a une petite astuce qui est très petite, mais nous, on est en partenariat avec ma chaîne est en partenariat avec Ulule, par exemple. Okay. Donc, il y a les crowdfunding qui existent, les grosses plateformes comme ça. Et Ulule, tous les fins de mois, il nous envoie un tableau avec les liens, parce que nous, on ne peut pas aller voir toutes les pages Ulule les unes derrière les autres pour aller voir. C'est bien ça. Et il y a, c'est vrai qu'on ne parle pas que des jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo, ils sélectionnent déjà eux. Et puis, nous, on va cliquer et on va parler des jeux qui nous mettent. Donc, c'est vrai que ces plateformes-là qui font déjà le tri essayent de mettre en valeur. Même avec le tri, il y a déjà beaucoup de quantité. Il y en a une dizaine par mois et ils mettent en valeur ces indépendants-là. Donc c'est vrai que ça peut être un système quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément de moyens. C'est vrai que le crowdfunding, ça permet... Voilà. D'avoir aussi un nouveau lien avec les gens et de mettre en valeur son produit. Donc justement, est-ce que on peut voir le problème à l'envers. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas assez de journalistes, pas assez de gens? Si d'un côté il y a plus de quantité de jeux, et voilà, il y a un trou, est-ce qu'on ne peut pas quelque part trouver une solution pour avoir plus de gens qui parlent, plus de jeux indés, plus de presse, plus de spécialistes? Et la question autour de ça, c'est est-ce qu'il faut vraiment être un spécialiste du jeu indé pour parler de jeu indé? Alors, pourquoi il y a peu de journalistes? Alors, déjà, un journaliste, ça coûte cher. Voilà, il faut le c'est nourrir, vrai. Le pauvre. Et voilà. Et aujourd'hui, à l'époque, dans les années 80-90, il y avait peu de médias qui parlaient du jeu vidéo. Donc les éditeurs, en fait, bah, ils concentraient leur budget sur ces médias-là. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire de la pub pour le jeu vidéo dans énormément de médias, puisque c'est devenu grand public. Voilà. Par contre, le jeu indé n'est pas forcément grand public. C'est là où c'est intéressant. Il peut le devenir quand il est supporté par un gros éditeur, un gros constructeur, mais il n'est pas grand public. On me demandait encore il y a un an et demi, deux ans, dans une médiathèque où j'avais parlé du jeu vidéo, il y a des parents qui me disaient, mais les jeux que vous nous avez montrés, on les trouve où? Parce qu'ils ne sont pas à Micromania, ils ne sont pas dans... il a fallu que je leur montre Steam. Et Steam, c'est pas connu par toute la population. Il y a encore plein de gens à conquérir. Les gens sont noyés sous les images et sous les infos. Donc ils arrivent pas, tant qu'on leur montre pas, ils peuvent pas se mettre sur quelque chose comme ça et deviner que c'est génial. Donc c'est vrai qu'il faut des spécialistes pour leur montrer. Mais en même temps, le problème du journalisme maintenant, c'est qu'on sait très bien ce qui se passe. Il y a plein de journaux qui ferment. Les seuls gros journaux qui existent encore, c'est parce qu'ils ont des aides de l'État. Il y a Canard PC qui a fait un truc. La presse papier, là, 2018, elle morfe. C'est waouh. Même les gros quotidiens, les gros journaux, ils sont obligés d'avoir des aides de l'État. On lit plus les magazines. Mais les gens n'achètent plus, ils regardent Internet. C'est bien plus facile. Et il y a quelque chose qui est encore peut-être plus rare que l'argent, c'est le temps qu'on a consacré. Voilà. Et la problématique, elle est là. Hein. La problématique, elle est là pour tous les médias. C'est combien de temps disponible on va avoir pour les consommer et donc... faire marcher une économie qui est derrière. Et d'ailleurs, tu remarqueras que maintenant, dans les articles sur Internet, ils te mettent même la durée moyenne du temps où tu vas lire. Au début, souvent, ils te disent « ça va durer 2 minutes ». J'ai vu ça un moment. Ça rassure la personne. Elle dit « bon, combien de temps je vais mettre ?»« Ah bah 2 minutes, ça va. »« 2 minutes, ça va, je peux le lire. » Maintenant, de plus en plus, ils mettent le temps de durée de lecture. Donc, c'est pour dire, c'est exactement ce que dit Doug. Justement, moi, c'est un peu compliqué. Si on prend, vous avez cette expérience... Bon, on le sait un peu, mais qu'est-ce qui est vraiment le gros changement entre il y a 10 ans et aujourd'hui? Pourquoi la presse, à une époque où on lisait les magazines, c'était le truc de ouf, c'était le seul, et aujourd'hui il y a Internet, je pense que c'est ça, mais quelle est vraiment la grosse différence entre la nouvelle génération qui arrive, là, les magazines d'avant et aujourd'hui? Pourquoi les magazines vont peut-être disparaître? Pourquoi le jeu est 30 ans? Je sais pas s'ils vont disparaître, ça va écrémer, ça. Ils vont pas totalement disparaître. Ouais. Je pense, mais ça, il va avoir un gros écrémage. Il va certainement rester. Je pense qu'il va rester. Et il y en a déjà eu un écrémage. Hein, voilà. C'est la deuxième vague. Et je pense c'est que comme les vagues d'extinction des animaux. Et j'ai causé avec des graphistes ou des designers de journaux, etc., qui me disaient en fait, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont vraiment très très spécialisés. C'est vraiment spécialisé dans un domaine, parce que là ils sont sûrs d'avoir leurs 3000 lecteurs tous les mois qui sont là, et pas un truc fluctuant où ils savent pas trop. On trouve de l'information générale, et peut-être les magazines, il faut peut-être rentrer dans la spécialisation, le truc très précis, unique qu'on trouve peut-être. Alors j'essaie de répondre à toutes tes questions. Déjà, un journaliste, c'est fait là pour faire du filtre. Quand moi j'achetais la presse et que la presse m'a enseigné beaucoup de choses, parce qu'elle m'a enseigné des choses, mais elle m'a aussi guidé dans mes achats. Ça, c'est les deux missions de la presse que j'avais perçues moi quand j'étais un simple lecteur. Quand je lisais titre avant de bosser. Non, mais c'est drôle. Aujourd'hui, le tri, il ne faut pas juste qu'il soit fait par les journalistes. C'est pour ça que les sites qui balancent toutes les news qui traînent et les rumeurs, ça devient ingérable pour le lecteur, parce qu'il voit 3000 trucs. Et donc, ce n'est plus du journalisme. Mais il y a aussi, en fait, par exemple, on a parlé de Steam. Ouais. Steam, ils ont une politique éditoriale où, comme Nintendo, comme d'autres acteurs du marché n'ont pas voulu engager une équipe éditoriale pour faire du tri. Et donc, en fait, comment ils font du tri ? Ils font du tri par le green light, voilà, qui est sur sa mort, je crois, qui est fini, qui est mort, et celui par le principe des curators, voilà, des gens qui sont influents, qui sont des gens d'expérience dans la communauté, qui vont conseiller des jeux. Mais en interne, ils n'ont pas une énorme équipe éditoriale pour gérer, alors que, donc, finalement, les stores, ils croulent sous le nombre de jeux. Il n'y a plus de différence. C'est très compliqué d'avoir un tri. Parce que sur mobile, déjà, il faut. À part Apple qui met les trucs en avant sur son store, il n'y a pas de tri. Même les notes, il y a tellement d'applications ou de jeux du même style que même en cherchant dedans pendant des heures, on n'arrive pas à tout voir. Je pense qu'on est dans une époque de transition, en fait. On a déjà eu sur différents médias avant, là on est en train de passer une transition sur Internet aussi, où on est noyé sous les choses, et qu'en fait ça va diminuer au fur et à mesure, mais pour l'instant on est dans cette masse d'infos, en fait. On essaie d'imaginer. On sait ce qui s'était passé il y a 10 ans, on sait aujourd'hui. Bah, si dans tu veux, explique ce qui s'est passé dans la presse. C'est quoi le futur de la presse ? Oula ! Dans l'histoire, parle-moi un peu. Non, mais le futur de la presse. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir ce filtre. L'autre jour, je suis passé dans une librairie anglaise de Paris, et puis j'ai vu que j'y étais pas passé depuis 4 ans, 5 ans. Et j'ai vu qu'en fait, les magazines bas de gamme, en fait, ils avaient baissé. En nombre. Ouais. Par contre, les magazines spécialisés haut de gamme sur un sujet très précis, très ciblé, de niche, en fait, ça s'est transformé en magazine de luxe. Exactement. Très beau. Qu'on garde, en fait, qu'on garde avec des articles de fond, voilà, et qu'on garde des magazines qu'on garde, pas des trucs qu'on jette. Ouais. C'est un objet. Voilà. En fait, il y a les deux extrêmes. Il y a l'objet, puis après les trucs qui parlent des stars, des rumeurs des stars et qu'on jette tout de suite après avoir lu. Donc il y a plus le entre deux qui est plus ou moins en fait remplacé par Internet, j'ai l'impression. Voilà. C'est un peu comme les films, les DVD. C'est un moment, on regardait du DVD, du film, on avait Internet, on uploadait. Et puis après, les grosses boîtes de films ont sorti des DVD collector, beaux, bien arrangés, parce que c'était en train de disparaître. C'est pareil pour la presse. Les livres vont être plus beaux, plus classe, plus objets. Les magazines vont devenir des presque comme des livres. Tu vois l'épaisseur de certains. Qui deviennent trimestriels au lieu d'être mensuels parfois, et qui sont vraiment des objets de luxe. Après, il faut les financer. Problème, c'est les financer. Ouais. Comment ça va marcher pour le financement? Voilà. C'est la grande question. Sinon, je voulais revenir. Comme on parle de la presse, moi, je l'ai vu, ce qui s'est passé au niveau de la presse. Je pourrais te donner mon analyse, vraiment, qui est assez simple, parce que ça mériterait de faire quelque chose de plus fouillé dessus. Mais en gros, si vous vous souvenez de l'époque PlayStation, en fait, la presse a fait une grosse erreur stratégique. Je vais vous expliquer. Elle s'est dit, notre marché qui est d'à peu près 100 000, moi quand je bossais à Console Plus ou Tilt, on avait, on va dire, entre 100 et 140 000 lecteurs. Voilà, par numéro. Par mois. Oui, voilà. Quand on était mensuel, voilà, c'était à peu près ça. La période PlayStation arrive. On a une sorte de démocratisation du jeu vidéo qui, avec la 3D, va toucher plus les jeunes adultes que les enfants. Ouais. Parce que souvent, les gens avaient un peu honte de jouer avec des jeux qui ressemblaient à des dessins animés. Le côté adulte. Et donc, les propriétaires de magazines vont dire, on va avoir un public maintenant, mais il va faire x5. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas anticipé les tests de jeux vidéo dans la presse grand public, quand on avait un test de jeux vidéo dans Télépoche. Ou dans Elle après et compagnie, et que les gens qui achètent du jeu vidéo, qui sont le grand public, en fait ils achètent 2-3 jeux par an, donc entre le test qu'ils ont dans Télépoche, Internet qui est arrivé après, plus les conseils du vendeur du Carrefour du coin, ils n'ont pas besoin d'acheter de la presse spécialisée parce qu'ils ne sont pas assez passionnés pour. Et là, ça a été l'erreur stratégique de la presse à cette époque là de lâcher en fait ses anciens lecteurs en réorientant l'éditorial vers ce nouveau public plus jeune. Donc les gens qui s'y connaissaient en création de jeux vidéo, qui utilisaient des termes un peu compliqués, on les, on les vire un peu tous et on met des un peu plus jeunes à la place. Qu'on profite pour payer moins, en plus. En fait, t'as la même problématique, t'as la même problématique exactement qu'au cinéma. Parce que moi, je travaille dans le cinéma aussi. Il y a des boîtes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances parce qu'en fait, le cinéma, t'as les très, très gros films, etc. Les gens, ils y vont trois fois dans l'année au cinéma. Ça coûte cher. Ils vont voir les plus gros films parce que tu vas pas payer 15 euros avec toute ta famille. C'est-à-dire que tu as deux enfants pour 4 personnes multipliées par 13. C'est très cher pour une famille. Des cartes familiales. Donc en fait, maintenant il y a plein de prix. C'est-à-dire que maintenant tu as plein de prix pour le cinéma. Et ils sont adaptés. C'est-à-dire que le cinéma s'est beaucoup adapté. Il a essayé de trouver des solutions, etc. Ouais. Et pareil, les magazines de cinéma, ça a été très très difficile parce qu'au début, il n'y avait pas Internet. Donc ça a l'air, on arrive à parler de cinéma un peu tout. Ils sont devenus des objets un peu pareils. Pendant un moment, ils se sont transformés. Par exemple, si on prend l'exemple du magazine Studio, qui est devenu un objet magnifique, avec des superbes photos, c'est devenu très cher. Ça a continué un petit peu, mais après, c'est très compliqué pour les magazines spécialisés comme ça. Et quand on prend Première, par exemple, ils se sont spécialisés dans un peu les ragots. Il y a un peu plus de ragots autour des gens, etc. Donc on sent bien qu'ils se sont cherchés. Mais par contre, le cinéma, si on prend l'exemple, le parallèle avec les jeux vidéo, t'as le cinéma indépendant qui rame derrière. Essaie de trouver pareil au milieu de toutes ces pubs les gros films Marvel, etc. Il faut trouver sa place pour se faire sa pub, place et dire on existe. C'est exactement un peu le même système des deux côtés que je connais moi. C'est une industrie, deux industries artistiques. Exactement. Il y a vachement de similitudes. Ouais. Et donc maintenant, je vais essayer de vous poser une question. Oula. Je vais essayer. Vas-y. Parce que c'est le chef d'orchestre qui m'a écrit une question. Lance-toi. J'ai rien compris à la question. Vas-y, lance-toi. Vas-y, on sait jamais. À qui sert le plus ? Est-ce que c'est... est-ce que la presse a quand même besoin des indés ? Ils ont besoin de contenu de qualité pour vendre leur magazine. Donc, qui sert qui, en fait ? Est-ce que c'est la presse qui sert aux indés ou les indés qui servent à la presse pour vendre ? Alors, attention, parce que moi... Pour moi, vous avez compris ou pas ma question? Attends, parce que moi là, c'est compliqué parce que je vais pas dire que tous les indépendants sont bons et de qualité, bien que les gros jeux, etc., sont beaux de qualité. Non, pareil, ouais. Et ils ont plus de chance parce qu'ils ont plus de budget, mais. L'un des vend la presse. Non. Ou pas? Tu veux que tu mets Warcraft en gros, tu mets un jeu qui est inconnu du bataillon, ça se vend pas. Super beau et Je voudrais juste revenir sur un truc, c'est que la presse n'est pas faite pour les développeurs de jeux indés et les développeurs de les développeurs de jeux indés ne font pas des jeux pour la presse. Voilà, ce qu'on a oublié dans l'équation, c'est le lecteur joueur. Oui, tu comprends ce que je veux dire, c'est que la presse elle, par contre ne peut exister que parce qu'elle avait, et c'est, je reviens encore à mon passif, parce qu'elle avait accès à des choses auxquelles les joueurs n'avaient pas accès, et le but du journaliste c'était de donner ces informations, de les trier, de les structurer pour les donner aux joueurs, son métier de journaliste alors que maintenant on peut trouver l'info un peu partout. Ça dépend quel type d'info on cherche. Sur internet, mais en même temps c'est noyé, c'est toujours pareil, c'est si tu sais pas ce que tu cherches, c'est perdu dans internet, donc et le problème de la presse c'est que les gens ils vont pas forcément au kiosque, ils vont pas chez le libraire qui ferme de plus en plus, il y en a de moins en moins, donc en fait il y a pas d'endroit où tu peux aller en acheter, déjà c'est très compliqué, et puis si tu veux en acheter, alors ça veut dire quoi, il faut que tu t'abonnes sur internet, donc il faut que tu retrouves l'info du magazine sur internet, donc c'est un peu complexe à cause de ça, quoi. C'est une question qui vient après pour enlever, peut-être toute cette pollution. J'utilise ce mot. Cette pollution d'information, parce que on est tous là, aller sur internet et on voit des choses et on va pas aller plus loin, savoir si c'est vrai, si c'est faux. C'est tout simple. Il y aurait une règle à mettre en place que moi. Je ne sais pas pourquoi sur Internet c'est comme ça, c'est tellement tellement le bordel, l'anarchie, c'est que, en fait, c'est tout simple. Ouais. Aujourd'hui, comme la technologie s'est démocratisée, comme toutes les technologies, et ça, les gens, moi, je discutais avec des patrons de sociétés dans les années 2000, en fait, on en était au même point qu'Atari dans les années 70, c'est que les gens dans les grosses boîtes ne comprennent jamais qu'une technologie, ça se démocratise et qu'en fait, elle devient après l'outil d'un public plus amateur. Et aujourd'hui, quand on va sur Internet, on arrive sur un site, ah tiens, il y a une info, on la lit. On va sur un autre site, on la lit. Et puis, ça se trouve, le premier site, c'est un site professionnel avec des salariés. Et l'autre, c'est un blog. Ouais. Mais au niveau hiérarchie, la personne qui a lu, elle s'en fout. Parce qu'à aucun moment, on lui a dit, ça, c'est un site professionnel. Et donc, elle va mettre toutes les infos au même niveau, tous les sites au même niveau. Mmh. Alors que ça serait tellement simple d'avoir un label pro en disant ça. Ça, c'est un site pro, ça, c'est un site fait par des amateurs. Parce qu'aujourd'hui, un amateur peut très bien utiliser les mêmes types de programmes et faire un beau site et faire croire qu'il est pro alors qu'il ne l'est pas. Donc, la problématique, déjà, c'est un problème. Qui peut encore faire ce label pro? C'est un peu comme si on avait le CSA de l'Internet. Exactement. Le CSA, c'est la maison. J'explique un peu ce que c'est, mais c'est un peu le conseil de l'audiovisuel en France. C'est-à-dire qui réglemente la télévision, qu'elle soit publique ou privée. Et voilà, et tu peux devenir une chaîne de télé seulement si tu passes par CSA avec certaines conditions, tu as un règlement dans ton truc et tout. Sur Internet, le problème. Alors, le problème pour Internet, c'est que c'est international. Exactement. Et c'est là où on peut pas faire un truc comme ça serait super. Ça serait super, qui va faire quoi? Il faudrait prendre quoi, une personne de chaque pays. Enfin bon, ça serait l'idéal, mais c'est compliqué à mettre en place parce que à part la Chine qui arrive à fermer et encore maintenant ça y est, c'est plus ouvert. Mais disons la Corée du Nord qui arrive à tout fermer. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. On peut pas fermer. Il faudrait déjà qu'à partir du moment où tu déposes une société en France pour faire de la presse sur Internet, qu'il ait un sorte de label, qu'il ait en plus envie de mettre en avant, puisque si on lui dit, t'as le label pro, parce que t'es une société, puis qu'il y ait un petit logo, un petit truc pour que les gens puissent savoir. Voilà, à part ça, je vois pas ce qu'on peut faire, parce que Internet au niveau mondial, on peut pas le contrôler. Alors, si, il y a un ministre, numérique. Hein. Si, il y a un ministre du numérique. Non, du jeu vidéo. Jeu vidéo, on ne peut pas, c'est trop précis. Bon, mais numérique, oui. Il y a de numérique. Trouver ce ministre-là. Et lui en parler, c'est une bonne idée, ça. Donc, c'est un système. Place, après, c'est tout pareil. Mais il existe dans d'autres secteurs, comme tu dis. Oui, mais le problème, c'est que les chaînes françaises sont en France. Donc, après, il faudrait. Effectivement, on pourrait faire ça. C'est-à-dire qu'une entreprise française, si elle se déclare presse du jeu vidéo ou un site internet du jeu vidéo, on pourrait éventuellement faire une espèce de label, pas qualité, mais un truc. Voilà, on sait que c'est officiel, c'est un vrai, c'est des vrais journalistes. Quoi, mais... Parce que. C'est vrai, parce que le jeu vidéo, là, depuis quelques années, a absorbé des nouveaux clients. On joue plus, il y a plus de gens qui jouent au jeu vidéo. Ça, et ça grossit de plus en plus. Hein. Mais c'est des nouveaux clients. C'est des gens qui arrivent de l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Et ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent aussi voir, c'est aussi un truc, dans l'information, il n'y avait pas il y a 10 ans, les avis. Les avis dans le jeu vidéo. Alors les avis, c'est tellement... Non, mais ce que disait... Tu sais ce que je pense, c'est que comme t'as dit, on fait pas la différence. Je vois un jeu et je peux voir les avis tout de suite. Non, parce que déjà, il y a plein d'avis qui sont faux. On le sait très bien. Oui, mais tu peux pas savoir. Comment on fait pour savoir? Oui, alors le problème, je pense que c'est un problème d'éducation aussi. Et c'est là que Doug intervient dans ses cours, etc. C'est que ça, c'est une question d'éducation aussi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux enfants à dire « Attention, tout ce que vous voyez, ce n'est pas forcément vrai. » Et il faut savoir critiquer, avoir un regard critique sur ce qu'on voit. Ça va prendre du recul. Ça va prendre des infos comme elles viennent, comme ça, et avec les émotions qui arrivent. Oui. Il faut faire attention. Prenons du recul. On va peut-être voir ailleurs sur un autre site, voir si c'est la même. Je pense que tu as raison. Aujourd'hui, moi, je pourrais éduquer quelqu'un. Parce que j'ai connu... on va dire l'ancien monde et le monde actuel. Mais celui qui se lance aujourd'hui et qui n'a pas connu l'ancien monde, pour lui, un avis, ça a la même valeur qu'un test. C'est ça l'éducation. Le jeu, il est mortel, téléchargez-le. Ouais. C'est un avis. Oui, mais le problème des avis, c'est qu'il faut le dire aux jeunes. C'est que souvent, les avis sont très souvent, je suis désolée de le dire, faux. Donc, ils sont créés de toutes pièces. Alors, peut-être pas des indépendants. Tu fais partie de l'industrie, tu connais des choses. Mais un joueur qui ne connaît pas, il voit... Est-ce que l'avis est aussi important qu'un bel article? Tu parles d'un avis qui serait situé où? En commentaire d'un article sur un site pro, sur un blog. Sur Steam, on a sur Steam la page du jeu. On a tout ça là, tous les smartphones. Mais les gens, ils se rendent compte quand même que c'est du public qui a écrit l'avis. Mais est-ce que c'est pas important l'avis du public? C'est le mec qui c'est comment il joue? Alors. Est-ce que c'est mieux l'avis d'un joueur ou d'un professionnel? Non, ça influence, parce que tu vas voir les petites étoiles, 5 étoiles de l'avis du public, forcément ça influence, on va pas dire non. Bien sûr que ça influence. Parce que sinon, ça n'existerait plus. Moi, je le fais moi-même dans des domaines que je connais moins bien. Le ciné, quand je vais sur un site. Tu vois, les petites commandes de pizza, exactement. La première chose que tu fais, c'est que tu classes toutes tes pizzerias d'à côté sur le nombre d'étoiles. Voilà, tu vois le nombre d'étoiles. Donc forcément. Mais la vidéo est devenue plus. Alors, il y a autre chose qui est important par rapport au nombre d'étoiles, c'est aussi le nombre de gens qui ont mis des étoiles. Je sais pas si le grand public en fait regarde. Pour moi, c'est important. Si t'as 300 étoiles de 5 étoiles, voilà. C'est vrai que tu dis. Et moi, quand je vais sur un site par exemple comme Allociné, pareil, pour regarder les critiques de ciné, je regarde la moyenne de la presse, la moyenne des spectateurs. Oui. Et quand je me dis que par exemple un film est à 4, je me dis personnellement que je pourrais très bien être à 5 pour moi ou à 3. Et là c'est le problème parce que voilà. Là c'est le problème parce qu'on sait très bien. Non mais on sait très bien que les grosses entreprises, par exemple, parce que moi j'y travaille dedans, je sais très bien ce qui se passe derrière. Les grosses entreprises qui ont un énorme budget arrivent très bien à payer une équipe de malades qui vont commencer à cliquer sur les étoiles pour qu'il y ait plus d'étoiles positives. C'est bien possible. Et qui vont même mettre des critiques négatives aux films qui vont sortir le même jour. Donc je te dis ça parce que c'est vrai, donc ça existe, donc malheureusement on le fait tous, parce que même moi j'y vais puis je regarde, mais il faut, et le truc c'est d'essayer de prendre assez de distance pour se dire, il faut pas être dans l'émotion en disant, ouah il a 5 étoiles c'est génial je l'achète tout de suite, et dire non il faut que j'aille voir ailleurs, c'est ça l'éducation. C'est qu'il faut apprendre aux autres qui sont autour de nous, aux plus jeunes, en disant attention, ne te précipite pas, va voir sur d'autres sites pour. Et puis il y a quelque chose moi que j'aimais beaucoup que j'ai appris dans Console Plus quand je suis arrivé, j'ai écrit mes premiers articles, c'est que dans Console Plus on avait un système où il y avait le testeur principal et le testeur principal donnait son jeu en fait pendant un peu moins de temps mais à un autre journaliste et qui lui donnait son avis. Donc déjà deux avis pour la même œuvre, c'était bien parce que ça permettait de rééquilibrer. Et la deuxième chose en fait que moi je trouvais primordiale pour la presse, c'est qu'en fait les lecteurs qui lisaient un magazine, ils le lisaient au bout de 3-4 numéros, ils avaient leur journaliste préféré. C'est-à-dire ceux qu'ils avaient perçus comme ayant un avis équivalent qui avaient le même avis sur les et qui jouaient au même type de jeu, et une fois que tu as ton journaliste préféré ou tes deux journalistes préférés, tu vas suivre leur avis plutôt que de regarder tous les avis de la planète. Il y a un système qui était intéressant chez les journalistes, par exemple, je vais prendre l'exemple de Mad Movies, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent, ils avaient un tableau, même dans Première, je crois, ils le faisaient, t'as un tableau de tous les journalistes, avec avec des petites étoiles pour chaque film, chaque journaliste, et donc tu peux faire une moyenne et puis regarder à peu près. Donc ça, c'était intéressant parce que tu vois plusieurs avis d'un coup, quoi. Je trouve que c'était intéressant. Alors justement, je reviens juste à... On devrait aussi avoir dans le jeu la même chose, avoir la note spécialisée et la note spectateur. Il y a des séries. Mais ça existe. GameCult le fait, hein. Ça existe déjà. Par exemple. Voilà. GameCult. D'accord. GameCult le fait, hein. Il y a la note. Et puis la note de l'article du journaliste qui a testé le jeu. Ça m'amène à une question parce que. Est-ce que c'est mis avant de la même façon? Non. Enfin voilà, il est peut-être là. C'est juste un problème de visibilité. La question était proche. Maintenant aujourd'hui, est-ce que vraiment le test d'un journaliste, d'un expert, d'un professionnaliste de la presse? Est-ce que ça influe vraiment sur la vente d'un jeu? Ça peut. Aujourd'hui. Ah ouais. Est-ce qu'avec tous les avis qu'on peut trouver, le spectateur, tout, est-ce que le spécialiste qui dit, qui donne la note, est-ce que derrière il y a vraiment de la... Parce que tu as quand même des noms connus, comme GameCult, etc. Des sites qui sont connus, ou des journaux qui sont connus, et les gens... ils sont quand même influencés par ça. Donc ça, c'est clair que ça aura toujours une importance. Ça marche encore, beaucoup moins qu'avant. Mais c'est sûr qu'un journaliste, par exemple, sur un gros site qui va tester un jeu qui est hyper attendu, bah forcément les gros, les fans hein, de jeux vidéo, je parle pas du grand public, ils vont aller voir le test. Mmh. Mais tout de suite, hein, c'est... Bah, par contre, il va influencer peut-être 500 000 personnes sur un jeu qui sera vendu à 8 millions. Mais c'est déjà 500 000 personnes qui ont été influencées. Donc c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, tu sais. Il y a un truc qui est, il y a un truc qui est flagrant. C'est pas pour rien si toutes les maisons d'édition, etc., ou les producteurs, ils vont aller graisser un peu la patte des journalistes. Parce que sinon, ils le feraient plus, hein, si c'était pas intéressant pour eux. Je peux te dire que le nombre de fois où moi on m'envoyait des jeux, on m'invitait à avoir pour les films, on m'invitait à des avant-premières avec les tifos, etc. C'est pas pour rien, c'est que en fait derrière tous ces gens-là savent très bien combien ça leur rapporte par rapport à. Tu peux être influencé par l'éditeur ou pas? Au point de vue quand on est journaliste, ouais, ça, ouais. Ça dépend de son éthique. Hein, voilà. Voilà. Alors ça, il y a des gens qui arrivent. Il y a eu des cas comme ça où le jeu ne méritait pas cette note. Mais je pense que c'est non mais ça existait. Peu... Bah, oui, on c'est peut existé. Toujours être influencé même inconsciemment. Ah, ouais. Après c'est à toi d'essayer d'être objectif, de se rappeler le joueur que tu étais et de se dire que là t'es là en train de peut-être jouer les 60 ans d'un les 60 euros de excusez-moi j'étais en train de les 60 prochaines années les 60 euros d'un gamin qui a économisé pendant 6 mois 7 mois et voilà il faut y penser et puis t'as les jeux parce que nous en tant que journalistes on a les jeux gratuitement donc on n'a plus ce rapport à l'argent que les gens c'est les un gamin qui peut acheter que 2 jeux par an c'est c'est ça. T'as les jeunes journalistes aussi qui certains qui ont peur de dire vraiment la vérité, de peur de se faire blacklister des éditeurs. Ah oui, ça arrive. Ça existe. Ouais, ouais. Il y a plein de choses. Ils osent pas trop. Alors on sent que dans leurs critiques. Les éditeurs peuvent blacklister. C'est rare. Hein. Faut vraiment même parce que nos jours une mauvaise critique est fait plus de pub qu'une bonne hein. comme sur internet c'est vrai qu'il y a des boîtes d'édition où tu vas avoir une news qui est une sale news comme on existe sur un mauvais on va dire il s'est passé un truc sur tel tournage de film etc c'est horrible mais en fait c'est créé de toutes pièces parfois par les productions, etc. Exprès parce que la news va se répartir toute seule gratuitement partout et donc ça fait de la pub. Et les jeux vidéo, c'est pareil, ils y arrivent. Hein, ils sont un peu en retard par rapport au cinéma, il y a un tout petit décalage. Mais je peux te dire que c'est préparé, tout ça c'est du merchandising. C'est-à-dire qu'ils préparent tout un bad buzz, ça me fait plus de public qu'une bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle, t'es obligé de payer. C'est-à-dire que t'es obligé de payer, t'es obligé de faire venir un journaliste, donc ça coûte hein, quand même. Faut faire des essais, faut payer l'encart dans le journal. Qu'une mauvaise news, le journaliste il va se précipiter en disant oh mon dieu, mais vous savez ce qui s'est passé sur ce jeu vidéo ? Et bien ils ont viré toutes les femmes du truc. Et là d'un coup, ça serait parti. Bah oui, sur la. Non, mais voilà, on est tellement en recherche de visibilité que. Donc, même le bad buzz ça peut marcher parce que par exemple, on va parler d'un jeu qui aurait un gros défaut. Voilà. Mais tout le monde va en parler, puisque tout le monde va se. Et donc tu vas avoir envie de l'essayer. Ouais, tu vas dire, ah, il est où le défaut? Et ça se trouve, le jeu, il a pas eu tout de défaut, il est super, et tu vas te dire, mais je l'achète, il est génial. Et même, ils vont dire, on a corrigé le défaut au dernier moment. Non, mais voilà, bon, après. Ça doit être une com bien maîtrisée. On y croit bien. Mais c'est énorme. Il faut imaginer que là, le jeu vidéo vient de dépasser en chiffre de vente, etc., vient de dépasser le cinéma. Et la musique. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si le cinéma maintenant s'intéresse fortement aux jeux vidéo, si Warcraft a été fait, etc., en jeu. C'est maintenant quand on crée un gros jeu vidéo, ça coûte ça coûte plus cher qu'un gros. Non mais c'est un gros média maintenant. Donc des budgets à 100 millions, etc. T'imagines que derrière, il faut une grosse machine de guerre pour que ça rapporte. Et donc le merchandising, tout est réglé comme du papier à musique. Non, c'est les mêmes techniques au cinéma qu'il y avait il y a 4-5 ans, donc c'est en train de rattraper en fait. Voilà. Oh, c'est fou. Et là, je pense à. Alors, les indépendants là-dedans, les pauvres, je te dis pas, tu vois. Comment alors, c'est pour se faire visible et tout, pour avoir une visibilité sur les journalistes, c'est compliqué. Tout à l'heure, au niveau des indépendants, on parlait du rapport avec les journalistes et le tri. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éditeurs de jeux indépendants qui font déjà un pré-tri. Quelque part pour le public et pour les journalistes. Et c'est sûr que tu vas plutôt aller parler ou en tout cas checker la liste des jeux que te propose ton éditeur indépendant et qui tu bosses au jour le jour, plutôt qu'un mail au hasard qui arrive. Mmh. Et c'est ça, c'est assez compliqué. Parce qu'on n'a pas le temps, c'est surtout un problème de temps. Après, il peut arriver que tu ailles sur un salon, que tu aies le jeu et les créateurs devant toi et tu dis mais c'est génial ce que vous avez fait et que tu as envie d'en parler. Et on peut pas créer une école de journalistes de jeux vidéo pour qu'il y ait plus de journalistes de jeux vidéo dans les années qui arrivent. Oui, mais faudra les payer. C'est ce que disait Doug, ce que disait Doug tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas le financement dans la presse qui diminue ouvertement. Il n'y a pas assez de public pour acheter la presse. Et la conséquence, c'est que tu ne peux pas payer des journalistes. Alors, je m'écarte pas du sujet parce que je pense qu'il y a un petit truc à faire. J'ai rencontré un streamer il y a pas longtemps, Elfrid. On a beaucoup discuté et le mec il joue toute la journée un jeu et commente le jeu. Il y en a plein comme ça, il teste le jeu, il y a même des testeurs qui sont payés. Bah surtout il y a des plus en plus de filles, c'est une façon de voir les jeux par l'intermédiaire d'une expérience humaine, c'est ça, voilà, ça donne plus envie. Parce que moi, et alors est-ce qu'on peut les considérer comme de la presse? Moi étant un vieux con, il teste le jeu, je me dis mais pourquoi j'irais voir quelqu'un jouer alors que je peux télécharger la démo et l'essayer moi-même. C'est ma première réaction. Par contre, quand le streamer il a une vidéo exclusive d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas fini, là, ça peut m'intéresser d'aller regarder son expérience. Ouais. Voilà. Alors maintenant, ce que j'ai remarqué un peu comme défaut sur les streamers qui essayent des jeux non finis, c'est que souvent, ils n'ont pas cette habitude qu'ont les journalistes de savoir ce que c'est un jeu non fini. Mmh. Et donc, ils le jugent immédiatement comme si le jeu était fini. Ouais. Alors, il faudrait avoir le recul. Nous, on est habitués, les journalistes, à avoir des jeux à moitié finis, en alpha, en bêta. Et donc, un bon journaliste arrive à se dire si les défauts sont comme ils m'ont promis. Dans la version finale, ça peut être un bon jeu. Il faut avoir une certaine culture, une certaine expérience. Il faut avoir une expérience surtout. C'est un métier, journaliste aussi. Ça s'apprend. Hein. Donc il y a des journalistes qui n'ont pas forcément de diplôme et tout, mais qui ont appris avec l'expérience. Donc soit t'as l'expérience, soit t'as un diplôme, soit t'as les deux. Donc, mais c'est un vrai métier. Donc, t'as un diplôme, tu vois. De journaliste, non, ouais. Mais j'ai une expérience. Non. J'ai commencé très jeune, donc du coup. Non, par contre, ce qui était drôle, c'est que moi, vous avez commencé à une époque tellement il n'y avait rien. Et puis, même pas le Minitel. Mais moi, je me sentais très bizarre. Non, mais pas de diplôme. C'est même pas une question d'époque pour. Il y a de journalistes, si. De journalistes, ça existe. Mais moi, je me suis senti toujours très très étrange dans ce milieu-là, parce que moi, j'avais fait du jeu amateur avant de faire journaliste. Et donc, quand tu sais comment un jeu est fait, t'as pas la même vision, forcément, que quelqu'un qui n'est qu'un joueur et qui devient journaliste. Voilà. Et, tu vois le jeu autrement. On voit le jeu autrement. Et souvent, on est plus quand même sympa avec, parce qu'on comprend le boulot qu'il y a derrière, et donc on a envie de moins frapper dessus. Et vraiment, là, les jeux où vraiment on a vraiment mal au cœur, c'est qu'on voit un jeu où il y a un petit défaut qui gâche tout le jeu. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Est-ce que ça peut déjà arriver que la presse peut influencer l'éditeur lui-même en disant, fais ton jeu autrement, et il le fait avec l'expérience que vous avez. Est-ce que tu devrais changer ça, parce que... Ça t'est déjà arrivé, ça, Doug? Alors, des discussions privées, pas parce qu'on a fait un article ou quoi. C'est souvent parce qu'on les connaît, ils nous connaissent. Donc, avec l'expérience, on les rencontre, etc. Des fois, on voit un jeu ou ils nous présentent un jeu ou on reçoit, etc. On a plus tendance à aller lui parler en privé que plutôt d'étaler, justement. C'est pour ça que journaliste, on a plus de distance, comme disait Doug tout à l'heure, avec l'expérience, fait que on va pas leur en vouloir pour leur dire « Ah là là, il y a un jeu, ni un... » Donc, on va plutôt aller dans le privé en disant dis donc, d'ici la sortie, moi je trouve qu'il y a ça qui va pas, je te fais un retour. Ça peut les influencer ? Ah oui, mais clairement. Parce que s'il y en a plusieurs qui leur disent, de toute façon, on est un peu bêta-testeur, quelque part. Ouais, bah d'ailleurs, moi par exemple, au-dessus de la Dreamcast, quand Phantasy Star Online était sorti, bah, les journalistes faisaient bêta-testeurs pour Sega en même temps. Donc, oui, tout à fait. Alors maintenant, il y a une grosse problématique, c'est qu'il y a une époque où on rencontrait toute l'équipe de développement quand on allait les voir. C'était assez libre, c'était assez ouvert, un peu comme aujourd'hui les indés. Et il y a une époque où, paf, ils ont tout cloisonné. On pouvait plus parler aux développeurs et on avait juste un représentant du studio qui nous parlait pour les éditeurs ils sont arrivés ils ont voulu maîtriser toute la communication et pour éviter que des équipes n'aillent donner des infos un peu peu privées qui pourraient être utilisées à mauvais escient ils ont tout cloisonné. Maintenant c'est comme dans le cinéma, c'est que quand t'as des, ils prennent des développeurs, bon c'est des gros jeux, donc maintenant ils prennent des développeurs dans plusieurs pays parfois. En France on est très fort, donc ça va. Et des fois ils prennent, t'as des contrats avec les jeunes qui sont en train de travailler, t'as des contrats de surtout faut pas parler extérieur, etc. Et ils cloisonnent même, t'as même des gardes du corps, enfin t'as des gardes aux entrées des ils prennent et qui sont payés par la boîte américaine. Business, qui viennent et qui gardent la porte jusqu'à temps que la partie française doit être terminée et le gars il vérifie toutes les identités machin, donc c'est devenu un gros je vais vous raconter il y a des choses qui m'ont fait beaucoup rire. La rédaction, un jour on avait reçu, c'était une GameCube pour tester un jeu pour Nintendo, et la GameCube elle était emprisonnée dans une boîte de fer. Et on pouvait, pour éviter qu'on sorte le jeu de la console pour tester. Il y a tellement peur qu'il se le fasse pirater. Pour pouvoir tester le jeu et t'envoyer une console, une GameCube, et puis c'est bloqué, mais avec un cadenas et puis un gros truc en fer autour. Alors j'ai des collègues, ça leur est arrivé déjà de tester des jeux avec un vigile à côté pendant toute la journée. C'est ça, t'as un vigile qui est là tout le temps, payé par la main. Mais oui. C'est marrant d'être dans la presse, C'est marrant, ouais. C'est ça qu'on voit le monde du jeu vidéo autrement, ça. On voit tous les à côté. C'est vachement bien ce que vous dites. Moi, j'ai appris plein de choses et je pense que les auditeurs vont apprendre plein de choses. On arrive vers la fin. Déjà. Alors, attendez la fin. On va finir avec trois questions, un peu d'actualité où je veux votre avis très personnel. Vous pouvez ne pas avoir d'avis aussi, mais voilà, en tant que spécialiste, donnez votre avis assez rapidement. J'ai 3-4 questions. Alors, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais c'est des questions d'actualité. Le problème qu'il y a eu avec Quantic Dream, justement, la bad news. Ça vient d'où ? C'est ce que c'est ? Moi, j'ai vu plein de trucs dessus. Bon, j'ai assez de recul pour avoir mon propre avis. La presse, ça vient de la presse. Comment ça s'est passé ? C'est quoi ton avis là-dessus, Edo ? Wow. Alors, mon avis dessus, c'est que qui suis les studios depuis quand même pas mal de temps, moi, je n'ai vu que les conditions de travail s'améliorer. C'est vrai. En France, ça s'est amélioré, ça c'est indiscutable. Il y a de plus en plus d'ailleurs de filles dans le milieu. Moi je suis content. Il y a de moins en moins. Pas assez, mais. Il y a de plus en plus d'heures supplémentaires payées. Donc pour moi, quand je le prends avec le recul des années 90 jusqu'à maintenant, ça s'est amélioré. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes. Comme dans chaque société où il y a des centaines d'employés, il peut y avoir des problèmes. Est-ce que je vois des problèmes spécifiques aux jeux vidéo ? C'est des problèmes qu'on retrouve dans d'autres industries. Quand j'étais journaliste et qu'on avait un bouclage tous les mois, c'était pareil. On avait le crush qu'il y a dans les fins de production de jeux vidéo. C'était pareil dans la presse aussi, et je pense que ça existe dans plein de domaines. Ça se gère plus ou moins bien. Si la production est bien gérée, t'as moins à faire d'heures sup. Après, les problèmes, ça peut exister. On est tous humains. Chaque société, il peut y avoir des problématiques, que ça soit un peu géré n'importe comment, ça peut arriver que ça soit juste un pôle ou un service spécialement dans une société qui a un problème alors que tous les autres employés n'ont pas le problème. Donc ils peuvent, quand ils voient des news comme ça dans la presse, ils peuvent être un peu scandalisés parce que ils n'ont pas du tout vécu la même expérience. Très bien, merci. Je pense à Isabelle, c'est pas une fake news, ça. C'est pas eux qui ont lancé ça. Non, je pense pas, parce que comme dit Doug, c'est plus généraliste et c'est pas... Enfin, je pense que enfin, tu l'as très bien dit, c'est que moi, je me souviens très bien de ma jeunesse, d'il y a fort longtemps, où quand t'étais stagiaire, moi, je comptais pas les heures, ou je demandais même pas de paiement, quoi. On était un groupe, on travaillait jusqu'à 11h le soir, on était des fous, quoi. On dormait sous la table, enfin, voilà. Et maintenant, c'est vrai que je suis pareil que toi, je trouve qu'il y a c'est plus... Enfin, c'est mieux. C'est plus pro, c'est plus carré, etc. Et que on voit surtout une news, on n'a pas tous les sons de cloche, on ne sait pas. Alors je veux pas dire que c'est faux ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que faut un recul. On n'est pas dans la boîte même, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est compliqué parce que de toute façon on veut que les conditions s'améliorent. mais en même temps, il y a certains journalistes qui sont hors du média qui vont utiliser ce buzz pour taper sur le média. C'est vraiment une arme à double tranchant. Je pense que de toute façon, quand il y a des vrais problèmes, ça se règle de façon légale. C'est ça. Et voilà, je te dirais, la justice qui tranchera. Il y a des problèmes comme ça depuis les années 90 ceux des années 2000 sont quand même se règlent plus facilement, je pense. Ok, question suivante. Moi, je me suis réveillé un matin et j'ai vu un truc de dingue. Alors ça, c'est très personnel. J'ai dit, mais ils ont tout compris. Je suis pressé que ça sorte. Un avis pareil, très personnel. J'ai vu Nintendo Labo. J'ai trouvé ça, c'est très personnel, dingue. J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense qu'ils ont tout compris. Doug, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, très rapidement. Entre parenthèses, un truc que personne n'a entendu parler, ils sont forts quand même. Personne n'en a entendu parler. Mais c'est normal. Rien n'a fuité, le truc est sorti. Personne avant n'en a parlé. Nintendo, ils ont des dizaines de concepts qui sortent ou pas d'ailleurs, au bon moment ou pas d'ailleurs, dont personne n'entend parler, mais c'est normal. Après, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé. Que pour des gamins qui vont vivre dans les sciences, dans l'informatique, dans la robotique, c'est une super façon de leur apprendre des choses de façon manuelle, en alliant le côté travail manuel et technologique en même temps. Ça va dans la mouvance do yourself, de faire ces quand je bidouille les petites machines et tout ça et que je crée mes capteurs et tout ça, c'est exactement et ça va, c'est une source en fait de richesse pour les enfants aujourd'hui et pour ça je trouve ça génial. Après par contre moi ce qui m'a étonné c'est en fait qu'il l'ait présenté aujourd'hui avant une baisse de la console en fait parce que la console elle est dans les 300€. Ouais. Une machine arrive à peu près dans les prix grand public quand elle est entre 199 et 249. D'accord. Donc j'ai trouvé qu'ils l'ont montré un peu trop en avance, pour le coup. Mais ça, c'est peut-être peut-être qu'il y a une raison marketing derrière, peut-être qu'en fait ils vont entretenir en fait une sorte de stratégie sur le long terme parce que c'est un jeu qui est upgradable avec les packs et tout ça ou alors autre hypothèse ils ont entendu parler d'un truc équivalent autre part, ça leur a fait peur et ils ont annoncé avant historiquement Nintendo a eu quand même assez mal quand ils ont vu les Skylanders sortir alors qu'ils avaient l'idée eux en interne. Donc bon, mais moi je trouve ça génial. Hein. On verra dans le futur. Isabelle. Quand t'as vu ça. Oui, alors je suis d'accord avec Doug sur tout ce qu'il a dit. Je rajouterai une petite partie parce que je suis patronne aussi et je peux te dire que c'est très très très malin de leur part quoi. Ouais. C'est super malin. C'est le la console que tu bidouilles à l'infini. alors que d'habitude. À la boîte et voilà, tu peux même pas l'ouvrir tu peux l'ouvrir avec ils l'ont déjà fait mais tu peux pas vraiment là c'est infini quoi, c'est comme les Lego ça. C'est créatif. Pour les enfants c'est génial hein. il y a la partie enfant puis il y a la partie Nintendo va s'en mettre plein les poches quoi, c'est magique, c'est génial, enfin c'est une super idée pour eux, enfin économiquement c'est génial. Mais sans être vraiment mesquin parce que Nintendo a annoncé que pour les gens qui n'ont pas les possibilités d'acheter les packs qui à chaque fois font 10€ et tout ça, ils peuvent imprimer les patrons, les coller sur des cartons qu'ils ont eux-mêmes coupés, Sur ce coup-là, ils sont très très forts. Hein. Je pense même qu'il y a des créateurs qui vont certainement se mettre à faire des trucs pour le grand public et créer des plans. Quoi. On est tous d'accord. Deux autres questions. Il paraît que les journalistes... Est-ce que les journalistes sont aussi susceptibles que les créateurs de jeux vidéo? C'est-à-dire que quand les créateurs ont un mauvais test, ils sont... C'est des humains. pas des robots. Est-ce que quand vous êtes critiqué, vous aussi, parce que vous aimez pas le jeu, parce que vous aimez pas le truc, est-ce que vous êtes susceptible autant que les artistes? Ça dépend des personnes. C'est chaque personne a son caractère. Bon, en général, tu peux pas dire ça. On a le droit de dire que c'est non, qu'il y a des des créateurs qui sont pas susceptibles, ça arrive. Et puis, il y a des journalistes qui le sont et d'autres non. Donc, tu es susceptible, toi? Non, parce que je m'en suis pris tellement plein la figure pendant des années. Je peux te dire, j'ai travaillé à Canal+, à la grande époque où vraiment c'était le foutoir et tout ça. Où si t'étais susceptible, c'était même pas la peine d'y rester, hein, parce que tu t'en prenais plein. T'avais des blagues tous les jours, quoi. C'était des grands enfants, hein, à Canal+, à cette époque-là. Et du coup, ils faisaient des blagues. Au tout début, quand j'étais jeune, oui. Puis après, une fois que t'as vraiment dans le journalisme, non, vaut mieux pas. Après, ça existe, hein. Il y a des humains, c'est très humain, chacun, toi, d'où tu l'es ou pas? Personnellement, moi, comme je viens de l'époque où il n'y avait pas trop internet, j'ai eu que des compliments. Voilà, je me rappelle de dessins que m'envoyaient des lecteurs, des lettres en disant c'est toi, on sent qu'il y a un vrai joueur. Ouais, et tout, j'étais super content. Et Internet, ça doit être différent pour les journalistes d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une interaction directe. Donc, le moindre écart, le moindre bêtise qu'ils peuvent dire, parce qu'on fait tous des erreurs, des fois on est fatigué, on fait. Voilà. Mais je dirais que c'est beaucoup plus grave pour des créateurs de jeux qu'un journaliste d'être critiqué, parce qu'un journaliste, ça va pondre énormément d'articles chaque mois, donc s'il y en a un qui a été mauvais, bon bah tant pis, hein, il y en a un parmi 20, mais le développeur, c'est un peu l'inverse. Il passe 5 ans sur un jeu, c'est son petit bébé, il a souffert dessus comme c'est pas possible. Si un journaliste en face raconte n'importe quoi, et alors c'est même pire, c'est qu'un journaliste peut ne pas aimer un jeu, mais si le journaliste en fait raconte n'importe quoi, n'a pas compris les mécaniques du jeu, s'est viandé sur des choses, le créateur peut très mal le prendre, parce qu'ils disent, moi j'ai passé 5 ans à essayer de faire le plus bon jeu qu'il était possible de faire, le journaliste on a l'impression qu'il a essayé pendant 10 minutes le jeu et qu'il a rien compris. Ça peut être très vexant. Ouais. Puis t'as les fameux haters aussi. Hein. Depuis qu'Internet est né, les haters, t'as des gens qui aiment juste mettre le bazar. Ils sont là pour ça. C'est-à-dire que dans leur vie, ils aiment que critiquer. Ils se défoulent. Et pour un journaliste, nous, on commence à avoir l'habitude. C'est-à-dire que moi, je sais que je trie. Mais un créateur, c'est vrai que c'est une sensibilité. Hein, faut le dire. Ils ont une sensibilité quelque part. Et comme tu dis, c'est des artistes. Donc c'est vrai que se prendre des... Alors maintenant, de moins en moins, parce qu'on commence à connaître tous Internet. Oui. On commence à faire la part des choses. Mais ça peut être violent au départ. au départ. C'est vrai qu'on crie quelque chose, comme tu dis, pendant 5 ans, et puis t'as des haters qui déboulent et qui disent « Ah, t'es nul !» Tous les gens créatifs qui ont une sensibilité, il faut qu'ils se prémunissent en fait, de ça, s'ils ne sont pas habitués. Il faut plutôt qu'aller lire les commentaires soi-même, par exemple demander à un ami de faire le tri. Je suis d'accord. Voilà, avant et tout ça. Parce que je pense que pour certains créateurs, ça peut. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, hein, qui sont déjà pas très bien dans leur, des fois eux-mêmes, et ça peut aller jusqu'à provoquer des mini-dépressions. Il faut faire extrêmement gaffe à ça. Voilà. On a vu. Comment il s'appelait Phil Fish. Oui, Fez. Fez. Il a quitté Twitter. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Ça a été un gros truc. Ah oui. C'est bon. Et c'est assez marrant parce que quelque part, j'en parlais encore avec un ami l'autre jour, il a acquéri, en fait, en quittant Twitter, tu sais, un nouveau statut. C'est intouchable ou... C'est assez marrant parce que... Mais il a eu un... Ouais, il fait partie d'une première génération, d'un succès énorme. C'est devenu une star du vidéo. Ça n'existait pas avant. Mais parce que, en fait, aujourd'hui, Internet permet d'avoir, en fait, cette intimité avec un créateur qu'on n'avait pas avant. Mais, tout un avantage, un inconvénient, c'est que, aussi, les gens ont tendance à les mettre au même niveau. Alors qu'un joueur standard... ne va pas avoir le même avis sur les choses qu'un créateur qui a passé sa vie à aimer le jeu vidéo jusqu'à en faire. Voilà. Et donc cette dichotomie en fait entre le joueur qui est mis en relation directe et le créateur, des fois elle peut être violente. C'est assez dur à gérer. On est d'accord. Alors pour finir, justement la dernière question. Quelles sont un peu vos recommandations voilà, pour tous ces créateurs de jeux qui veulent démarcher la presse? Quel est le bon comportement à avoir? Quel est le petit truc qui fait qu'il arrive à vous avoir, il arrive à avoir une bonne relation avec la presse, que vous avez des conseils à donner pour tous ces créateurs qui veulent travailler avec la presse indé? Je pense qu'il faut faire un maximum de salons, de festivals pour présenter son jeu, parce que le bouche-oreille, il n'y a rien de mieux quand on est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le budget des grosses boîtes pour faire de la pub et pour attendre les journalistes. C'est d'aller montrer un maximum et surtout pas se décourager. C'est pas se dire j'ai fait tel salon, j'ai vu deux personnes. Il faut continuer jusqu'au bout. J'ai vu des jeunes comme ça qui vraiment allaient partout. Et au fur et à mesure, les gens, tiens, je t'ai déjà vu, toi, etc. Donc vraiment, le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc déjà, les salons, le festival, etc. Il faut pas lâcher, même si nous, on dit, on a envoyé une mail, on n'en peut plus. C'est pas grave, envoyez votre mail. On sait jamais, par hasard, on va tomber dessus. Donc pareil, il faut envoyer, insister. Voilà. Comment c'est vu? Si j'insiste, je t'envoie. Oui, mais il faut insister professionnellement. Ça ne faut pas dire. Il ne faut pas envoyer des menaces de mort. Voilà. Il ne faut pas envoyer toutes les semaines. Parce qu'il y a un moment où ça devient lourd. Mais régulièrement, par exemple, en donnant des infos, en disant sur la création du jeu, j'en suis là. Tiens, je vais faire tel salon, tel festival. Il faut profiter d'une info ou d'une news. Pour dire, la semaine prochaine, le mois prochain, je serai dans tel salon, vous pourrez me voir à tel moment. C'est une info nouvelle, donc on se dit, tiens, peut-être que je pourrais le croiser, etc. Si on envoie juste pour envoyer, ça sert à rien. Et puis surtout, ça prouve qu'il y a de la motivation derrière, parce que quand on voit un indé qui depuis 2 ans, il communique sans relâche, et puis qui sa communauté se construit, et tout ça, on se dit, la personne qui est derrière, elle est assez sérieuse. Ouais. Elle a du courage, elle a du cran, donc... Faut montrer qu'il évolue. Faut l'évolution, faut l'avoir. Hein. Donc, si c'est toujours le même mail qu'on copie-colle en disant « mon jeu sort », ça fait rien, quoi. Donc, par exemple, même filmer, on parlait des streamers, etc. Pourquoi pas essayer de faire connaissance avec ce streamer qui va faire des essais du jeu, envoyer le lien en disant « il y a un streamer qui a regardé, il y en a un qui a essayé. » Plein d'idées différentes. Je donnerais des conseils. Par exemple, ça, c'est évident, mais il y a encore des développeurs qui ne le font pas, c'est... si ce n'est qu'un tweet, c'est essayer de communiquer sur un truc toutes les semaines, sur les réseaux. Cette semaine on a développé ça, cette semaine j'ai eu cette idée-là. C'est vraiment être présent. Voilà, donc ça c'est super important. Il faut savoir que ils sont en train de bosser sur un jeu, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément la motivation, ils n'ont pas forcément les compétences de savoir comment marchent les réseaux sociaux. Ouais. Et qu'il ferait bien d'aller trouver quelqu'un qui a envie d'intégrer ce milieu, qui a envie de se lancer en tant qu'amateur et qui lui donne ce poste de communicant du studio. Oui. Ça n'arrive pas assez souvent. Après, en tant qu'indé, il faut savoir se différencier. La différence est une arme. Si par exemple moi imaginons c'est plus le cas aujourd'hui mais je suis dans une rédac de jeux vidéo, au lieu de recevoir un mail je reçois un petit paquet ou même une enveloppe, la personne elle va me marquer, elle va faire parce que les lettres on en reçoit ce studio indé là ils sont allés m'envoyer une lettre et tout avec un petit truc sympa dedans, mais c'est qui ça, je vais aller les voir. Tout ce qui sert en fait à différencier, à marquer les journalistes dans la différence par rapport aux gens, qui faut se démarquer dans l'approche. Oui, clairement. Parce que vous l'avez dit dès le début, vous avez tellement d'informations. On a tellement d'infos. Vous allez prendre les gens que vous connaissez, qui est normal. Tout à fait. Et puis, le petit truc, c'est quoi ça? Oui, c'est tout ça. Et puis, ne serait-ce que par mail. Par exemple, moi qui suis fan d'un certain style de jeu, si je reçois un mail en disant « On sait que t'es fan de ce style de jeu, nous on est en train d'en développer un, on voudrait vraiment avoir ton retour dessus et tout ça. » Ça c'est génial, parce que t'as le début d'une relation et on te contacte pour une raison. Pas juste pour qu'on te parle de toi, mais qu'on commence à avoir une bonne relation. M'intéresser à qui, genre. Voilà. Bah c'est du lien, c'est du lien humain, hein. Faut pas oublier, ça a toujours été du. Y a, c'est pas parce qu'il y a internet, etc., qu'on n'a pas envie de rencontrer les gens, etc. Parce que justement, ils oublient ça. C'est-à-dire que souvent, ils disent bon, on va communiquer, on va envoyer des mails ou internet. Mais c'est pas ça en fait, c'est vraiment le lien, lien humain, bien quoi. Sûr. Parce lien que humain sinon ça, ça marche pas. Hein. Voilà. Et moi qui commençais dans la presse du cinéma, c'était ça quoi. C'est pas pour rien si on nous fait venir, si les attachés de presse ils essaient de connaître chaque personne que de des la fois presse, on mange même avec eux si de temps en temps. On nous appelle par les prénoms, oui. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un côté humain qui est très fort. Ouais. Et c'est vrai que. Bah voilà, ouais, se démarquer par ça, hein, en disant, bon, je vais essayer de connaître ce journaliste pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, exactement, des conseils, exactement. Parce que voilà, on est des grands briscards du truc, donc l'humain autant, peut être un aspect qui se démarque. Ah oui, quand un attaché de presse, par exemple, moi quand j'étais journaliste à plein temps, il disait, ah bah voilà, on a reçu un tactico, un shmup, là, comme tu les aimes. Je me dis, c'est marrant qu'ils aient pensé à moi quand même, ça veut dire qu'ils me connaissent un peu. C'est... Voilà. Et puis, comparé aux années 90 où j'ai eu mes premières expériences avec des attachés de presse et fin des années 90 et début des années 2000, on a eu de plus en plus des attachés de presse qui connaissent le métier et qui aiment les jeux vidéo et qui jouent eux-mêmes. Ouais. Ce qui n'était pas le cas au tout début. Mmh. Ouais. Et donc, au début, c'était dur d'avoir un dialogue. Mmh. Ok. Bah, très bien, on arrive à la fin. C'était wow. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà non, mais c'est tout. C'est ça, à chaque fin de café. Tu veux qu'on fasse un numéro en plus? À chaque café indé, on pourrait rester pareil de la dernière fois. C'est, on est tellement passionnés par ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Heureusement. C'est un métier de passion. On aime partager, on aime parler, qu'on pourrait... Alors, nous, on va continuer. On va boire un coca, on va grignoter, on va continuer la discussion. Et voilà, pour tout le monde, on a fini. C'était le troisième ou le quatrième épisode. Vraiment, merci Doug pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités. De rien, c'est avec plaisir et on se voit très bientôt. Voilà. D'accord. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Yeah.